France Musique. Merci Elsa Boublil. À dimanche prochain, 9h sur France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Pendant le Festival de Cannes, la 42e rue reçoit un compositeur de comédie musicale qui a reçu cette année 2 Oscars. Son film s'appelle La La Land, réalisé par Damien Chazelle. Il a réuni en France près de 3 millions de spectateurs. Son compositeur, Justin Hurwitz, a à peine 31 ans, 3 bandes originales très jazzy à son actif, et il a reçu il y a quelques semaines l'Oscar de la meilleure chanson de film et l'Oscar de la meilleure musique de film. Ce matin, il est avec nous pour nous raconter la fabrique de La La Land, ses inspirations, ses films de chevet. Bonjour Justin Hurwitz. Hello, bonjour. Bravo pour votre Oscar. It's very, very exciting. C'est très très exaltant. I don't know, I can't, it mais hasn't changed anything, je ne really, peux pas but, dire que ça ait changé quoi que ce soit, honor, vraiment, mais c'est un énorme honneur. I love, je suis très fière. Et j'adore regarder ces Oscars et les tenir dans mes mains. We'll be right back. mi, si, mi, la, mi, sol, mi, fa, fa, mi, fa, ré, fa, do, fa, si, fa, la, fa, si, la, si, sol, si, fa, si, mi, si, ré, si, sol, fa, sol, mi, sol, ré, sol, do, sol, si, sol, do, si, do, la, do, sol, do, fa, do, mi, do, la, sol, la, la, fa, mi, fa, fa, ré, do, ré, mi, do, si, do, ré, sol, fa, sol, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, sol, si, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, si, do, ré, do, la, fa, mi, do, la, fa, sol, fa, sol, mi, sol, ré, sol, do, sol, si, sol, la, do, sol, do, fa, do, mi, ré, do, ré, si, ré, la, ré, sol, ré, fa, mi. L'arrivée des camionneurs dans le film de Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort. Justin Horwitz, vous êtes le compositeur de La La Land, le film qui a réconcilié le public français avec la comédie musicale. Et le début du film de Damien Chazelle nous fait irrésistiblement penser à ce numéro d'ouverture des Demoiselles de Rochefort. Certes, dans votre film, il s'agit d'automobilistes coincés dans les bouchons d'une bretelle d'autoroute de Los Angeles qui sortent tous de leur voiture, se mettent à chanter, à danser. Mais est-ce que ce numéro d'ouverture des Demoiselles de Rochefort, avec des chauffeurs qui descendent de leur camion et dansent sur la place de Rochefort, vous a inspiré ? Oui, alors effectivement, ce numéro des Demoiselles de Rochefort a été une énorme inspiration pour Another Day in the Sun. On aimait en fait cette numéro d'entrée qui immédiatement en fait vous donnait dans le chant. Enfin non, c'est pas du chant, c'est de la danse. Mais il y a de la musique, de la danse, des formidables costumes, un art de l'image. Et effectivement, ça annonce comme ça tout d'un coup ce qui se passe. Et Michel Legrand m'a inspiré, pas seulement pour cette chanson-là, mais pour beaucoup des airs du film. La première fois que j'ai entendu sa musique, ce qui était avec les parapluies de Cherbourg, j'ai adoré la manière dont c'était émotionnellement complexe. Et il y a toujours, même quand une chanson est joyeuse, même quand elle était douce, par exemple, il y avait toujours de la mélancolie à l'intérieur. C'était jamais trop simple, trop guimauve. C'était vraiment comme les véritables émotions de la vie, des choses beaucoup plus compliquées et qui changent tout le temps. Une autre chose, en fait, qui fait très bien, c'est les suspensions. Il met des distances dans ses harmonies. Rien n'est juste une triade. C'est pas seulement trois notes qui se suivent. Il y a toujours, en fait, des voix intérieures qui, d'une certaine manière, se frotte à des harmonies. C'est quelque chose que j'adore, cet intérêt vraiment émotionnel. Et j'avais envie de composer une musique comme ça. Et pour l'orchestration, j'ai été très inspirée par la manière dont Legrand marie une section rythmique jazz avec l'orchestre. Tout ce que l'orchestre joue, tous les détails sont bien sur la partition, tout est orchestré. Et après, pour la section rythmique jazz, ça se mélange avec cette orchestration très très écrite. Et c'est quelque chose, c'est un mélange très intéressant. Ça fait un style musical très intéressant. Et c'est dans cette musique de Michel Legrand, c'est quelque chose que je voulais essayer dans notre film. C'était effectivement la magie des comédies musicales, mais je voulais trouver quelque chose d'autre. J'essayais de trouver des nouvelles couleurs, des nouvelles textures. Et je pense que l'orchestration dans le film est très très excentrique. Il y a beaucoup d'influences pop, des chorus un peu à la Beach Boy, une inspiration disco, des lignes de cordes, des inspirations pop sur les bois. Il y a des choses qui sont effectivement des usages aussi classiques des cuivres, mais des choses aussi excentriques. Et c'est des choses que j'ai prises chez Michel Legrand ou chez d'autres gens, mais j'espère que d'une certaine manière, la musique de La La Land a l'air originale. Nights. called me to be on that screen and live inside each scene. Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane, we'll have to see. Cause maybe in that sleepy town, I'll sit one day, the lights are down, you'll see my face and think how the in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more. So I bang on every door. And even when the answer's no, when my money is running low, the dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on and go. Another Day of Sun, l'ouverture de La La Land, une chanson signée pour les paroles Benj Pasek et Justin Paul, et pour la musique, Justin Horwitz, que nous rencontrons ce matin sur la 42e rue de France Musique. La La Land, c'est un projet qui a mis du temps à aboutir. Avec le réalisateur Damien Chazelle, Justin Horwitz, vous avez eu du mal, je crois, à trouver des producteurs qui croyaient en ce film. Et dans les interviews, j'ai lu que vous racontez que vous avez composé près de 2000 maquettes de chansons pour le film, qui n'en contient, je crois, en tout qu'une quinzaine. C'était quoi le processus pour composer et comment vous travaillez avec le réalisateur Damien Chazelle ? Alors, le processus, c'est moi au piano très très longtemps et puis je fais des maquettes très rapides. J'ai joué pendant des heures et des heures, ce qui était nécessaire pour avoir des idées qui me convenaient. Et quand l'idée me plaît, j'enregistre la maquette et je l'envoie par email à Damien et généralement, il dit non. Donc, je continue, je recommence encore et encore et jusqu'à ce que quelque chose effectivement nous enthousiasme tous les deux. Mais même quand on a quelque chose qu'on aime tous les deux, c'est toujours pas complètement juste. Il faut toujours que j'essaye de voir jusqu'où ça peut aller. Je me souviens, par exemple, ma première version de City of Stars, les premières phrases musicales, et je jouais très à plat, sans swing. This was ballad 10. Alors ça, c'était l'essai numéro 10. J'en avais fait 9 avant qu'on avait jeté. Et je me souviens, celle que j'avais écrite juste avant, qui ne fonctionnait pas. Donc voilà, on l'a jeté immédiatement, ça faisait ça. On savait que ça ne fonctionnait pas bien, hein, et donc voilà, j'attendais que Damien me dise non, donc j'ai continué, maquette 10. J'ai gardé en fait la main gauche, hein, parce que j'aimais bien en fait cette main gauche. Et puis j'ai amené une nouvelle mélodie. Mais comme je disais, hein, c'était toujours pas juste, c'était trop plat. Mais on aimait bien, en fait. Hein, on savait qu'il y avait quelque chose là. Donc voilà, on a fait X et X versions. Je pense que c'est voilà, la 7e. Et c'est là que j'ai commencé à mettre du swing. Hein. C'était la 7e version de la maquette 10. Évidemment, hein, on a beaucoup réfléchi sur qu'est-ce qui pouvait fonctionner. Par exemple, une version plus ancienne. Quelque chose comme ça. Which wasn't right, so, mais ça fonctionnait pas. Lower was better, plus bas, c'était mieux. So we kept it. Donc on a gardé, hein, c'est pour ça qu'il y a eu tant de maquettes, parce qu'on a essayé beaucoup de choses. City of stars, are you shining just for me? Stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, cause all that I need is this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shined so brightly. Ryan Gosling, Emma Stone en duo dans le film La La Land. C'était City of Stars, Oscar de la meilleure chanson 2017. Une chanson composée par Justin Horwitz, qui est ce matin notre invité sur la 42e rue. Nous vous avons demandé quel morceau vous vouliez partager avec les auditeurs de France Musique. Et vous avez choisi un air de Jérôme Kern. C'est dans le film Sur les ailes de la danse. C'est interprété par Fred Astaire, The Way You Look Tonight. Pourquoi ? Tellement simple, hein, cette manière que les émotions et les sentiments de Fred Astaire arrivent à ressortir. Hein, c'est juste simple. Il ne cache rien, il n'y a pas de sous-texte. Quand il chante, c'est tout. Hein. Il chante juste à quel point Ginger Rogers est belle. Et j'adore la manière dont c'est mis en scène également. Hein. Il s'assoit au piano, il commence à jouer. C'est du son diégétique, donc. Et la musique qu'on entend, c'est celle qu'on voit sur l'écran jouer. Hein. Donc on a le piano et puis en dessous, il y a des cordes qui arrivent. Et ça, c'était vraiment la magie de la comédie musicale qui arrive. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en dessous. Hein. C'est quelque chose qui est complètement naturel, cette manière de vous faire rentrer comme ça dans la musique et d'être avec lui, avec le personnage, tout le temps. Hein. Et c'était quelque chose qui a été une inspiration pour City of Stars, hein, cette manière, ce duo de City of Stars au début commence avec les deux personnages qui s'assoient au piano et l'orchestration n'arrive que plus tard, hein, on la mettra au montage finalement. Et donc cet orchestre qui rentre sous la chanson, c'est une de mes chansons préférées de toute façon, hein, The Way You Look Tonight dans Sur les ailes de la danse. Someday, when I'm awfully low and the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart, and that love wrinkles your nose, touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it, 'cause I love you just the way. Fred Astaire en 1936 au piano qui chante une romance à Ginger Rogers dans le film de George Stevens Sur les ailes de la danse, une chanson de Jérôme Kern et des paroles de Dorothy Fields. Nous sommes ce matin avec le compositeur américain de La La Land, Justin Horwitz, tout juste auréolé de ses deux Oscars. Vous avez aussi choisi de nous faire écouter et de partager avec nous un standard d'Henri Mancini, interprété par Audrey Hepburn, c'est dans Breakfast at Tiffany, Moon River. Est-ce que ce morceau vous a inspiré aussi pour La La Land ? Elle a une voix qui est exactement le genre de voix que Damien et moi voulions trouver pour La La Land. Hein. Une voix très authentique, très vulnérable. Il y a un caractère de souffle dans cette voix. Hein. Et c'est exactement le genre de voix que nous souhaitions pour La La Land. C'est la voix qu'a Emma Stone, d'ailleurs. Parce que ça ne semble pas et ça n'a pas l'air d'être une voix d'une choriste professionnelle ou une voix de quelqu'un de Broadway. Hein. C'est la voix de quelqu'un de réel, quelqu'un qui s'exprime et qui, d'une certaine manière, met en musique ses sentiments. Et c'était un caractère très, très délicat qu'on avait dans la voix d'Audrey Hepburn, comme on l'a dans la voix d'Emma Stone. Et ça fait partie des voix préférées de Damien et des miens également. Et donc, c'est des choses qu'on retrouve dans les films français, comme Pierrot le Fou, par exemple, où on entend ces voix comme ça avec du souffle. In style someday, old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way to drift. To see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. Very friend, oh, river. Audrey Hepburn, Moon River, extrait du film Breakfast at Tiffany's, le choix de Justin Hurwitz. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Vous êtes le compositeur de La La Land, Justin Hurwitz. C'est votre troisième bande originale de film, toujours avec le réalisateur Damien Chazelle. Vous vivez à Los Angeles, vous êtes né en Californie, vous avez grandi dans le Wisconsin. Et c'est la rencontre avec Damien Chazelle à l'université d'Harvard qui vous a dirigé vers la musique de film. Comment avez-vous appris à composer ? I grew up playing classical piano. J'ai grandi en jouant du piano classique. J'ai commencé à étudier le piano, j'avais 6 ans. It was towards, I guess, in high school. C'est vers 16-17 ans au lycée. Un de mes oncles, Ron, m'a donné des CD de jazz, un disque de Oscar Peterson, un disque de Bill Evans. Et j'ai adoré cette musique. They're very tonal. Musique très tonale, musique que je comprenais, et j'entendais là un lien très très fort avec la musique classique que j'étudiais et ce qu'ils jouaient eux. Et puis à l'université, j'ai commencé à écouter davantage de musiciens. Damien m'a présenté certaines choses, des choses plus audacieuses, au niveau tonal et harmonique, comme Coltrane par exemple. Et du coup, ça a élargi mon champ d'écoute en jazz, mais c'est vraiment en composant pour les films de Damien que j'ai appris le jazz. J'ai étudié la théorie musicale à l'université, ça a ouvert mon univers et ça m'a permis de comprendre pourquoi les compositions classiques que j'avais étudiées fonctionnaient comme elles fonctionnaient, et puis ça m'a aussi permis de comprendre comment fonctionnaient ces musiciens de jazz, comment fonctionnait Oscar Peterson. Je me disais, mais voilà à quoi ça correspond, ces progressions d'accords. Cincinnati, and the lights came on the show. extrait de la première bande originale de film déjà très jazzy de Justin Hurwitz qui vient de paraître chez Milan Musique. C'était Guy and Madeleine on a Bench Park, Guy et Madeleine sur un banc, dont le titre rend hommage, vous l'avez compris, au héros des parapluies de Cherbourg. Un morceau intitulé Cincinnati. Guy et Madeleine suivent deux amants après leur rupture. Elle est serveuse, lui est trompettiste de jazz. Un film déjà dans le milieu du jazz, au cours duquel l'héroïne, comme dans toute bonne comédie musicale, se met à chanter. On vient d'entendre ce morceau, Cincinnati. Quelle était votre inspiration, Justin Hurwitz, pour la bande originale de ce film et pour ce morceau en particulier? I think Cincinnati... Alors, je pense que pour Cincinnati, je me souviens que on avait parlé de All of Me comme une inspiration possible. I remember that was an influence. Je me souviens que c'était une influence. And then, you know, with the score, I would say the score is et puis, je dirais que la partition est plutôt inspirée ou influencée par les films français de la Nouvelle Vague, À bout de souffle, Une femme est une femme, Les 400 coups, mais les chansons ont été principalement inspirées par le répertoire populaire américain des chansons. Je jouais, je regardais beaucoup de ces standards pour essayer de trouver quelle était la langue qu'il y avait. Guy Madeleine, bien plus dans La La Land, essaye d'être old style dans sa manière d'écrire des chansons. On essayait vraiment d'écrire des chansons qui avaient l'air de sortir de ce répertoire populaire américain. Quand on voit chansons comme Cincinnati, Boys in the Park, c'était vraiment traditionnel. Dancing, yes, I was dancing with angels who'd come down on a lark. And what's funny, I think I felt a spark when I kissed the boy in the park. Dancing, just romancing, and prancing cherries on the tree. And what's funny, it was just a little breeze. If I'd been standing, it'd have knocked me on my knees. Just can't compare to that waltz in the air when I kissed the boy in the park. Thank you. rooster sings and dogs in love bark. But it just can't compare to that waltz in the air. When I kissed the boy in the park. Oh, I like a foggy winter's day, and city lights riding in the dark. But neither can compete, 'cause my heart skipped a beat when I kissed the boy in the park. The boy in the park. Désiré Garcia, Boy in the Park, extrait de la bande originale du premier film de Damien Chazelle en 2009. Une chanson composée par Justin Horwitz qui est ce matin avec nous sur la 42e rue de France Musique. Justin Horwitz, la musique française, les films français sont une inspiration pour vous et pour Damien Chazelle. Guy et Madeleine en A Bench Park, ce premier film fait vraiment penser au cinéma vérité de Jean Rouche. Et la partition fait aussi penser au film de Jean-Luc Godard. Vous avez ce matin choisi de nous faire écouter d'ailleurs une chanson de Pierrot le Fou, Anna Karina, qui chante à Jean-Paul Belmondo, Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerai toujours. Et c'est vrai qu'il y a une des chansons dans votre premier film, It Happened at Dawn, qui est vraiment inspirée de ce style. Dans Pierrot le Fou, qu'est-ce qui vous plaît dans ce style de chanson française, j'allais dire? Certaines de ces chansons françaises, hein, comme celle de Pierrot le Fou, on adore en fait ces mélodies répétitives, hein, ces mélodies très bavardes en fait, beaucoup de mots, beaucoup de syllabes, hein, qui d'une certaine manière vous assaillent, sont à la fois répétitives et harmonieuses. Hein, c'est ce que j'adore sur ces mélodies françaises. On a l'impression qu'elles sont juste pleines de notes et répétitives, mais en fait, il y a une véritable harmonie dans cette répétition et de temps en temps, il y a des pauses intentionnelles par rapport à la répétition. Et moi, j'ai composé ça. It does that a lot, but then it goes... And we really like that. On aimait beaucoup ça. Hein. It does that a bunch. Ça faisait ça. And then it breaks, et puis après, and then it breaks from all of it. Pause. So it's basically built on c'est this little, construit this en fait fragment, sur ce petit fragment, ce petit motif qui pourrait devenir très ennuyeux hein, si de temps en temps il n'y avait pas ces pauses harmonieuses. Hein, et c'est vraiment ça qu'on adore dans ces chansons françaises, c'est-à-dire cette manière dont on peut assonner un motif et puis introduire des pauses de manière très très belle. Jamais je ne te dis que je t'aimerai toujours. Oh mon amour, jamais tu ne m'as promis de m'adorer toute la vie. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, mais connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, des sentiments se sont glissés entre nos corps qui se plaisaient à se mêler. Et puis des mots d'amour sont venus sur nos lèvres nues, petit à petit. Des tas de mots d'amour se sont mêlés tout doucement à nos baisers. Combien de mots d'amour? Jamais je n'aurais cru que tu me plairais toujours, oh mon amour. Jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble sans nous lasser. nous réveiller tous les matins, aussi surpris de nous trouver si bien dans le même lit. De ne désirer rien de plus que ce si quotidien plaisir d'être ensemble aussi bien. Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit, nos sentiments nous ont liés, bien malgré nous, sans y penser à tout jamais. Des sentiments plus forts que tous les mots d'amour connus et inconnus. Des sentiments si fous et si violents, des sentiments auxquels avant nous n'aurions jamais cru. Jamais, ne dis jamais que tu m'aimeras toujours, oh mon amour. Jamais, ne me promets de m'adorer toute la vie. N'échangeons surtout pas de tels serments, me connaissant, te connaissant. Gardons le sentiment que notre amour, au jour le jour, que notre amour est un amour sans lendemain. Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerai toujours. C'était Anna Karina dans Pierrot le Fou. Justin Hurwitz, avant La La Land, il y a eu surtout Whiplash, formidable portrait d'un jeune batteur de jazz, Andrew, qui intègre un réputé conservatoire de New York et est repéré par le très exigeant enseignant Terence Fletcher. Un film qui remporte le prix du jury à Sundance, qui va permettre à Damien Chazelle de tourner La La Land, et une partition encore très jazzy. D'ailleurs, le film démarre de façon très punchy, façon big band. Vous pouvez nous raconter la composition de ce morceau? J'ai l'impression que, encore une fois, c'est un thème que vous avez trituré dans tous les sens. La mélodie est le thème principal du film, ce qui est devenu le thème principal du film. Quand j'ai commencé à le composer, c'était juste en fait une pièce de piano que Fletcher jouait. Quand Andrew, le personnage de Miles Teller, rentre dans le bar. Ça allait juste être utilisé dans cette scène de fin, hein, avec Fletcher au piano, mais on s'est dit, mais on aimait beaucoup cette mélodie, où est-ce qu'on peut l'utiliser? Et donc, du coup, en post-production, j'ai fait la bande-son et on s'est dit, mais alors, si on l'utilisait de manière différente, hein, d'une certaine manière, comme une manière de souligner dans d'autres scènes, comme par exemple quand il se fait expulser de l'université ou quand il voit son père dans les coulisses. En le passant de mineur à majeur, hein, on a nettoyé un peu la chose et tout d'un coup, on s'est aperçu que ça devenait plus triste, hein, ce qui est ironique parce que généralement, on pense que le mode majeur est plus joyeux que le mode mineur. C'est venu de là, en fait, hein, essayer de trouver une manière de traiter la mélodie différemment. Et puis, on allait utiliser, en fait, ce matériau-là au début du film. On avait fait un premier montage, d'ailleurs, comme ça. Et puis, l'un des producteurs, Jason Reitman, qui est également un grand réalisateur, il nous a dit, mais si la musique est vraiment intéressante et jazzy, hein, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas alors qu'Andrew marche dans la ville? Et donc on a décidé de lui donner un traitement à la Buddy Rich, c'est-à-dire prendre la même mélodie et lui donner un son du big band de Buddy Rich. Thank you. l'ouverture de Whiplash, composée par Justin Hurwitz, le compositeur de La La Land. Justin Hurwitz, dans 5 jours, c'est une première, vous allez diriger votre partition de La La Land, un orchestre de 100 musiciens, une formation de jazz, à Los Angeles, au prestigieux Hollywood Bowl. Vous vous sentez comment ? Alors, ce qui est très, très excitant, bon, ça fait un peu peur hein, d'être sur cette scène hein, avec beaucoup de gens dans le théâtre. Ça va être incroyable de jouer cette musique en direct. Hein. Beaucoup des musiciens qui ont participé à la bande originale vont jouer dans ce concert au Hollywood Bowl. C'est une partition, un type d'orchestration qui met en avant les musiciens qui leur donne une individualité, leur permet d'être expressif et de montrer en fait hein, leur maestria, leur sens de la musique. Et je suis très très excitée par rapport au fait que les gens voient ça. Et puis on verra donc le film derrière l'orchestre, mais il y aura des écrans latéraux où on verra en fait les musiciens jouer. Donc ça m'intéresse beaucoup en fait de voir ce que les musiciens apportent à ce genre de partition. Merci beaucoup. Thank you so much for having me. Thank you. l'épilogue de La La Land, un mélange de tous les thèmes du film composé par Justin Hurwitz. Merci Justin Hurwitz d'avoir passé cette heure avec nous sur la 42e rue de France Musique. La bande originale de Guy and Madeleine on the Bench Park vient de paraître chez Milan Musique. Et puis le DVD de La La Land sort cette semaine. Cerise sur le gâteau, nous avons deux exemplaires à votre disposition, vous derrière le poste. Pour les recevoir, il vous suffit de nous écrire direction la page de 42e rue sur francemusique.fr. Vous cliquez sur l'onglet contact et vous n'oubliez pas de nous indiquer l'adresse où vous l'adressez, ce DVD. Les gagnants seront tirés au sort. Vous pouvez jouer jusqu'à mercredi à minuit. Sur la page de 42e rue, vous retrouverez également la programmation musicale de l'émission et puis les informations sur notre prochain cabaret 42e rue. C'est dimanche prochain au Studio 105, une carte blanche à la chanteuse et comédienne Isabelle Georges. Réservation indispensable comme toujours sur francemusique.fr. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Moni, avec pour la traduction simultanée Pascal Faugère, à la technique Delphine Baudet et à la réalisation Perrine Mingui. Rideau. Bon dimanche, France Musique, il est midi. Vous avez rendez-vous maintenant avec Stéphane Grant.